Chapitre 8e. Le lendemain soir, Valérien arriva. Dire qu'il fut reçu à bras ouverts serait une métaphore trop hardie. Mais M. et Mme Roussoff surent pourtant lui témoigner la cordialité nécessaire. Dès la matinée du lendemain, ils furent gagnés par la déférence affectueuse que leur marquait leur futur gendre, par la simple dignité de sa tenue auprès de sa fiancée, par l'affection filiale qu'il portait à l'archimandrite et qui se décelait dans ses moindres actions. Après 2 jours d'épreuve, le père et la mère de Croucha tombèrent d'accord qu'aucun des jeunes gens considérés jusque-là comme pouvant prétendre à la main de leur fille n'avait réuni un tel ensemble de qualités. Restait à lui pardonner la modestie de sa position. Sur ce point-là, M. Roussoff fut plus indulgent que sa femme. « Cela ne signifie rien du tout, dit-il, du moment où l'on a un peu plus que le nécessaire. Une fois qu'on est sûr de ne manquer de rien, le luxe est une chose dont on peut se passer, surtout si l'on prend cette habitude de bonheur. Groucha n'a jamais connu ce qu'on appelle le luxe. Elle trouvera dans la maison de son mari à peu près ce qu'elle a ici. Ce n'est pas moi qui songerai à la plaindre de ne pas posséder davantage. » Le mariage fut fixé au 8 septembre. C'était vers l'époque où Benjamin devait rentrer au gymnase à Moscou pour continuer ses études, et le temps qui restait encore à s'écouler jusque-là permettait de compléter le trousseau de Mademoiselle Roussoff. L'événement fut porté à la connaissance des parents, amis et voisins. Cette nouvelle ne surprit pas extrêmement Victor. Dans les pensées lointaines de la jeune fille, il avait bien cru deviner autre chose que des nuages chassés par le vent d'orage. Ce qui l'affligea fut non le mariage en lui-même, mais l'éloignement qu'allait en être la conséquence. Vainement, il se disait que tous les ans, à l'automne, Groucha emportait son soleil et sa joie, et que cette année, il n'en serait pas autrement. L'idée de la revoir l'année suivante pour quelques semaines seulement, peut-être pour quelques jours, lui paraissait extrêmement amère. Il ne se rendait pas bien compte du sentiment que lui inspirait le fiancé, mais à coup sûr, il ne se souciait pas de le voir auprès de la jeune fille, et pourtant, le pauvre garçon n'était pas jaloux. Il sentait si bien l'abîme qui le séparait de Valérien, mais il souffrait de songer que cet homme heureux serait tout pour Groucha, tandis que lui, chétif, ne serait plus rien. L'archimandrite ne pouvant rester longtemps éloignée du monastère, Madame Roussoff résolut de lui donner une fois encore avant son départ le plaisir d'un peu de bonne musique. Profitant des promenades qu'il faisait en voiture avec son mari, elle fit étudier à Demian un autre morceau classique, et un beau soir, après le dîner, elle en fit la surprise au père Arsène. Celui-ci écouta en silence, comme il faisait toujours, les yeux fixés sur l'instrument, et en apparence uniquement préoccupé de sa jouissance musicale. Quand ce fut terminé, il sourit avec bienveillance. « c'est bien, » dit-il de sa voix douce, affaibli par l'âge et les jeunes. « Je vous remercie, mes enfants. Venez ici, jeune homme, et dites-moi si vous croyez qu'on puisse être plus heureux quelque part qu'à l'ombre du sanctuaire, en servant un autre maître que le Seigneur. » Tous les yeux s'étaient tournés vers Demian, qui aurait bien voulu être de l'autre côté de la muraille, dans le jardin, dans le bois, n'importe où. Il fallait répondre cependant, et le jeune musicien se décida à parler, au risque d'attraper une réprimande. Je ne crois pas, dit-il, que gagner honnêtement sa vie en travaillant, en craignant Dieu et en le servant dans la mesure de ses forces, soit moins agréable au Seigneur que de voir dans son sanctuaire un serviteur mal disposé et qui regrette ce qu'il ne pourra jamais obtenir. M. Roussoff regarda Demian avec étonnement. Une telle réponse devait avoir été longuement pesée et réfléchie. Décidément, ce garçon était très fort, et le médecin approuva son discours d'un petit signe de tête. « C'est juste, très juste, » fit le père Arsène, non moins surpris. « Et votre père veut que vous soyez prêtre ?»« Oui. » »« Lui avez-vous dit que votre désir est l'opposé du sien ?»« Je n'ai pas osé. » L'archimandrite réfléchit un moment, puis, s'adressant à demi-voix à Madame Roussoff, il la pria d'envoyer chercher le père Kouzma. Demian avait entendu, et s'approchant doucement du moine, il baisa furtivement la manche de sa robe. « Tu te figures tout au moins, » lui dit le père Arsène en le prenant par l'oreille, « que je vais dire à ton père de ne plus te renvoyer au séminaire. Un désir de vous serait un ordre pour lui, » répondit Demian, les yeux baissés et la poitrine oppressée dans l'excès de son inquiétude. « C'est une erreur, » fit le moine en soupirant. Nous autres, clergés noirs, nous n'avons pas d'autorité sur ces prêtres qui sont le clergé blanc. Les évêques sont, il est vrai, pris de nos rangs, et ils peuvent commander aux prêtres. Mais ceux qui, comme moi, vivent dans les monastères, n'ont pas d'influence, à moins qu'ils ne soient ambitieux. Et vous n'êtes pas ambitieux, père Arsène ? Fit M. Roussoff en souriant. Ah, Dieu, non, je l'étais jadis, quand je portais l'uniforme. Vous voyez quelles épaulettes j'ai obtenues, répondit le moine en indiquant les plis de son voile noir qui flottaient sur ses épaules. Le père Cousma fit son entrée. Son caractère s'était aigri depuis le malheur qui avait frappé Victor, et il évitait la maison des Roussoff, que d'ailleurs il n'avait jamais beaucoup fréquentée. Les prêtres russes sentent bien qu'ils ne sont tenus en estime qu'en raison de leur caractère sacré, et alors seulement qu'ils sont revêtus de l'étole. Ce dédain pour l'homme peu instruit, peu fait aux belles manières, contraste même très fortement avec la vénération qu'inspire le ministre du Seigneur, et forme un des signes caractéristiques de la société russe. À l'église, quand le prêtre offre le crucifix au peuple, la plus grande dame, pour donner l'exemple aux paysans, baisera respectueusement la main de l'officiant qui tient la croix, et pour rien au monde, une heure après, elle ne donnerait la main à l'anglaise à ce même homme qui s'inclinera devant elle avec un respect parfois un peu servile. On avait écarté les jeunes gens. L'archimandrite eut un assez long entretien avec ses hôtes et le prêtre. Celui-ci était entêté, comme tous les hommes qui gardent leurs idées pour eux seuls, et il fut impossible de lui faire entendre raison. C'est le doigt de Dieu qui a marqué Démiane pour le sacerdoce, répétait-il, sans vouloir écouter la moindre objection. Le jour de l'accident, je me demandais ce qu'il faudrait faire de ce garçon. La réponse du ciel ne s'est pas fait attendre. Au même instant, on m'a apporté mon Victor dans l'état que vous savez. Comment méconnaître là la volonté de la Providence? Quand les hommes s'appuient sur les décrets de la Providence pour faire ce qui leur passe par la tête, il est parfaitement inutile de lutter avec eux. La partie est perdue d'avance, et les trois amis du jeune violoniste furent bien obligés de renoncer à leur campagne. « Il en sera ce que vous voudrez, père Cousma, » dit enfin M. Roussoff. « C'est vous qui êtes le maître. Et si le père Archimandrite, votre supérieur dans les ordres, quoique hiérarchiquement il soit sans pouvoir sur vous, ne peut vous ranger à son avis, je trouve inutile d'élever une voix après la sienne. Mais s'il arrive malheur de tout ceci, si votre fils refuse un jour de vous obéir, malgré mon respect pour votre caractère, malgré l'amitié que je porte depuis 20 ans aux desservants de cette paroisse, je vous avertis que je serai du côté de Démiane, non du vôtre. » Le père Cousma se leva sans mot dire, salua respectueusement l'assemblée et voulut se retirer. L'archimandrite le retint d'un geste. « Monsieur Roussoff vous a parlé avec franchise, avec trop de franchise peut-être, » dit-il. « Il ne nous appartient pas de juger entre le père et le fils, mais je vous déclare que vous faites tort à votre enfant, moins en l'obligeant à suivre une carrière pour laquelle il ne se sent pas de vocation, qu'en l'empêchant de s'adonner à la musique pour laquelle la Providence l'a si visiblement conformé. C'est la volonté du Seigneur qui l'a désigné, répliqua froidement le prêtre. Je suis le très humble serviteur de votre grâce et de vos seigneuries. Il se retira majestueusement, accompagné, dès que la porte fut refermée sur lui, par une exclamation que M. Roussoff, par déférence pour l'archimandrite, changea en celle-ci, vieil entêté. Nous l'aiderons, le petit, à prendre la liberté qu'on lui refuse, n'est-ce pas, père Arsène ? Chut, fit celui-ci, en mettant un doigt sur ses lèvres. Ne fomentons pas la révolte du fils contre son père. C'est une faute grave, et contraire au 4e commandement. Sans doute, répondit le médecin de l'air le plus sérieux. Mais une fois l'étendard de la révolte levé, moi qui suis belliqueux, je suis capable d'emboîter le pas, et vous, père archimandrite, vous ne pouvez pas m'excommunier pour ce fait, car enfin c'est une affaire personnelle, et je ne suis pas le fils du père Cousma. » Sans pouvoir s'empêcher de sourire, le bon moine fit un geste de reproche, mais M. Roussoff resta persuadé que dorénavant Démiane avait deux alliés.